stop. Yeah. Shizzy, stop. Oh. Stop. Oh. Yeah. Ne laisse jamais quelqu'un te stopper, même si c'est un de tes amis. Ne te laisse jamais te faire stopper, car ce n'est pas bon. Stop. Ouh. Stop. Stop la personne qui essaiera de rentrer dans ton cercle vicieux. C'est ton rêve, c'est ta vie, c'est ton chant, c'est la musique. C'est ton avenir qui est en jeu. Dès que tu sors du trottoir, dès que tu sors, c'est ta vie. Il est à toi. Oh. Stop. Non, pas de ça. C'est ta vie, c'est ta liberté. Ne te laisse jamais stopper, car ce n'est pas bon. Stop. Ou stop. Oh yeah. Stop la personne qui essaiera de rentrer dans ton cercle vicieux. C'est ton rêve, ta vie, ton chant, c'est ta musique, bref. Wow, yeah. Ne laisse jamais quelqu'un te stopper. Ne laisse jamais quelqu'un te stopper. Ne laisse jamais quelqu'un te stopper. Stop. Ooh, stop. Oh yeah. Stop. Ooh. Stop. Oh yeah. C'est ton rêve, c'est ta vie, c'est ton chant, c'est la musique, bref.